Chapitre 13e. Rapport d'enquête. Castex avait dit vrai. L'écriture de Gravard était épouvantable. Le déchiffrage en était pénible, car Gravard écrivait très serré, comme s'il avait peur de manquer de place. Affaire Charles Di Marion. Le 20 mars 2003, le corps d'une jeune fille a été découvert par Sublet Lucienne, femme de ménage résidant à Bagneux, rue de l'Église au numéro 43, et par Carrois Germain, serrurier auquel Sublet Lucienne avait fait appel parce qu'elle n'arrivait pas à ouvrir la porte d'un appartement occupé habituellement par une dénommée Charles Di Marion. Une fois la porte ouverte, il s'avéra que la victime était bien Charles Di Marion, immédiatement identifiée par Sublet Lucienne. La victime était mineure. Selon Mathurin Yvon, le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie, le décès remonte à au moins 24 heures. La victime a été neutralisée à l'aide de liens et semble avoir été longuement torturée. Elle a été poignardée à de nombreuses reprises par un agresseur d'environ 1,75 m. Celui-ci était droitier. Beaucoup de blessures superficielles. Il semble que la victime ait longuement agonisé. Elle s'est étouffée avec le bâillon qu'elle avait sur la bouche. Suspect numéro 1, M. Boucharif Malik, français d'origine algérienne, vieille connaissance de nos services, défavorablement connu pour diverses affaires de vol. Madame Sublet Lucienne affirme qu'elle l'a vu traîner aux alentours de l'immeuble la semaine précédente. Or, après vérification, M. Boucharif Malik est en détention à Fleury-Mérogis depuis le 10 février 2003 pour le vol d'un scooter et purge actuellement une peine de 4 mois ferme. Confrontée à ce fait, Sublet Lucienne n'en maintient pas moins son témoignage parce que selon elle, il portait une casquette rouge et noire tout à fait typique. Du fait de l'incarcération du suspect, il semble inutile, du moins pour l'instant, de poursuivre cette piste. Suspect numéro 2. M. Mousseron Jean-Jacques, associé de M. Chardy Sanson, père de la victime, qui a créé la société CM Process en 1978. Chardy Marion, sa fille unique, aurait dû recevoir à sa majorité, le 22 mai 2003, 51% des parts de la société, Mousseron Jean-Jacques n'en possédant que 44%. Au regard de la santé florissante de CM Process, il est permis de penser que Charles Di Marion aurait pu représenter une menace pour les intérêts de Mousseron Jean-Jacques, présenté par divers cadres de l'entreprise comme un homme froid, calculateur et ambitieux. Toutefois, deux faits viennent contrecarrer cette hypothèse. Premièrement, un examen minutieux des comptes montre que la société fait l'objet d'une gestion très scrupuleuse. La part qui revenait chaque mois à Charles Di Marion et que Maître Vérel Tristan avait en charge de vérifier a toujours été versée en temps et en heure, sans que celui-ci n'ait à réclamer quoi que ce soit. Tous les investissements faits au nom de Charles Di Marion ont été à chaque fois dûment enregistrés. Une synthèse de tous les mouvements bancaires était annuellement transmise à Maître Vérel Tristan. Celle-ci faisait l'objet d'une seconde validation par un expert comptable externe, mandaté par Maître Vérel Tristan. Deuxièmement, après vérification auprès de l'aéroport de Roissy, il apparaît que Mousseron Jean-Jacques n'était pas en France au moment des faits, mais à Taïwan. Il inaugurait une nouvelle usine de composants électriques et sa présence a été attestée par de nombreux collaborateurs qui faisait également partie du voyage. Mousseron Jean-Jacques a appris le meurtre de Charles Di Marion par un email envoyé par Maître Vérel Tristan. Celui-ci fit part aux enquêteurs de son vif chagrin devant le peu d'empathie dont a fait preuve Mousseron Jean-Jacques lors du meurtre de Charles Di Marion. Ainsi, il n'a pas jugé nécessaire de rentrer en France pour assister aux obsèques de Charles Di Marion. En revanche, il n'a pas oublié de dépêcher au plus vite deux avocats au cabinet de Maître Vérel Tristan. Ceux-ci étaient chargés de récupérer au plus vite les papiers concernant les parts que possédait Charles Di Marion dans CM Process, puisque Mousseron Jean-Jacques en était à présent le légitime propriétaire. La chose était clairement stipulée dans le testament de Charles Di Sanson, Madame Rosée Josette détenant les 5% restants. Dans les semaines suivantes, les parts furent revendues à des investisseurs étrangers, Mousseron Jean-Jacques ne conservant que 55% du capital. À première vue, même si les parts que détenait Charles Di Marion dans l'entreprise de son père pourrait paraître comme un solide mobile, cette thèse est anéantie par le déroulé du meurtre qui n'est pas l'œuvre d'un professionnel. Si vraiment Mousseron Jean-Jacques avait voulu se débarrasser de Charles Di Marion, le plus simple eût été de faire appel à un tueur professionnel. Deux options s'offraient alors, soit une liquidation rapide, c'est-à-dire une balle dans la tête, soit faire passer la mort de Charles Di Marion pour un banal accident. Mousseron Jean-Jacques, en homme intelligent, avait la possibilité et les connaissances nécessaires. CM Process intervient régulièrement sur les nouveaux systèmes d'information pour faire disparaître toute trace de transactions douteuses. Toutefois, après vérification poussée, il apparaît que Mousseron Jean-Jacques n'a pas de fonds personnels cachés. Si CM Process lui assure de confortables revenus, ceux-ci sont exclusivement gérés par sa femme et leur destination est parfaitement connue. Pas de compte à l'étranger, et l'administration fiscale qui pourtant le tient à l'œil n'a jamais détecté la moindre anomalie. Son train de vie est parfaitement conforme à ce qui est déclaré aux services fiscaux. De toute façon, plusieurs faits ne cadrent pas dans cette affaire, et le principal est le suivant. Le meurtrier s'est vraiment acharné sur Charles Di Marion. Si vraiment Mousseron Jean-Jacques est impliqué dans cette affaire, quel intérêt avait-il à la faire souffrir ainsi? Il ne la connaissait quasiment pas. Malgré les années, aucun lien personnel ne s'était développé. En fait, Mousseron Jean-Jacques ignorait superbement Charles Di Marion. Il ne la rencontrait que pour lui présenter les résultats de CM Process et toutes les personnes interrogées, notamment l'assistant de Mousseron Jean-Jacques, attestent qu'aucun incident particulier n'est jamais venu émailler ses présentations. Charles Di Marion paraissait juste peu à l'aise, mais cela peut s'expliquer par la nature des éléments qu'elle avait à étudier. Mousseron Jean-Jacques se montrait toujours poli à défaut de cordial. À la lumière de tous ces éléments, il semble que la piste Mousseron Jean-Jacques ne soit pas plus solide. Un meurtre sans vol. En effet, il a été établi par les inspecteurs que rien n'a été dérobé. Si l'appartement ne présentait guère d'ordre, présence de cartons un peu partout, y compris dans la chambre à coucher, il semble cependant que ceci n'ait fait l'objet d'aucune fouille. Autre point, tous les moyens de paiement de Charles Di Marion étaient retrouvés, et après communication par Maître Vérel Tristan des relevés de compte de Charles Di Marion, aucun mouvement suspect n'a été détecté. On peut donc sans risque exclure l'hypothèse du crime crapuleux. Charles Di Marion était-elle bien la victime désignée? Apparemment oui, puisqu'elle vivait seule. Connaissait-elle son agresseur? Probablement, car aucune trace d'effraction n'a été relevée sur la porte. L'agresseur s'est certainement fait ouvrir la porte par Charles Di Marion, puis, une fois son forfait accompli, a simplement claqué la porte derrière lui en repartant. C'est justement parce que la clé était toujours dans la serrure et que Marion ne répondait pas que Sublet Lucienne a senti qu'il se passait quelque chose d'anormal. Point troublant, aucune trace de lutte n'a été relevée. Pas de désordre dans l'appartement. Charles Di Marion semble avoir été maîtrisé très rapidement, probablement dans l'entrée. Il semble qu'elle était attaquée de dos. Sans doute, en toute confiance, a-t-elle dû laisser l'agresseur se débarrasser de ses affaires, lequel a profité de l'occasion. Une fois Charles Di Marion neutralisé, il l'a ensuite assise sur une chaise et l'a solidement ligotée, avant de la torturer à l'aide d'un objet tranchant, sans doute de type Opinel. Le médecin légiste note dans son rapport que l'objet n'est pas neuf, car les découpes ne sont ni très nettes ni très propres. Un peu de sève ayant été trouvée sur le corps de Charles Di Marion indique qu'il a pu préalablement servir à couper des branches. L'agression semble s'être déroulée sur un temps assez long. Plusieurs heures, car certaines plaies s'étaient déjà refermées quand le corps a été découvert. Ce meurtre semble un acte réfléchi et prémédité. L'auteur a agi avec méthode. Il n'a laissé aucune empreinte derrière lui et détermination. Le déroulé de l'agression fait penser qu'il était parfaitement au fait, non seulement des habitudes de Charles Di Marion, mais également de celles de Sublet Lucienne. En conclusion, Charles Di Marion était victime d'une haine froide, même si le différent semble bien ne pas avoir été d'ordre sexuel. Charles Di Marion n'a pas été ni violé, ni victime d'attouchement. Les sous-vêtements étaient intacts et en place. L'acte, de par sa froideur d'exécution, fait plutôt penser à une vengeance, même si un amant y conduit n'est pas totalement à exclure. Dutilleul avait mal aux yeux, mais il en était presque content, car contrairement à ce que lui avait affirmé Malik Boucharif, Serge Gravard n'avait pas fait du mauvais travail, bien au contraire. Il s'était appliqué à explorer certaines pistes et avait tenté de déblayer le terrain. Pour quelqu'un qui s'occupait habituellement d'affaires de stupéfiants, il ne s'était pas si mal débrouillé. Il avait réellement eu à cœur de mener l'affaire à bien. Par exemple, Dutilleul devait admettre que la conclusion apportée était probablement la bonne, même s'il lui semblait que Gravard avait un peu vite exonéré Mousseron de toute responsabilité dans le crime. Par exemple, il n'était à aucun moment mentionné s'il l'avait rencontré ou non. Dutilleul penchait plutôt pour la seconde solution. Gravard s'était certainement contenté du témoignage de collaborateurs, ce qui, à son sens, ne pouvait être suffisant. Il faudrait donc prendre contact avec ce Jean-Jacques Mousseron au plus vite, et tant pis si celui-ci était à l'étranger. Il avait besoin de se faire sa propre opinion. Dutilleul jugeait suspecte cette absence d'émotion lors du décès de Marion Chardy. La jeune fille avait tout de même été salement massacrée. En revanche, Gravard semblait avoir longuement interrogé Maître Vérel. Les éléments recueillis étaient intéressants, à défaut d'être décisifs. Visiblement, Maître Vérel n'appréciait pas plus Jean-Jacques Mousseron que Josette Roset. Bien qu'il ait pu y avoir collusion entre les deux, Josette Roset et Tristan Vérel tous deux se connaissaient de longue date, le portrait ébauché n'en demeurait pas moins assez peu flatteur. Cependant, si Dutilleul mettait au crédit de Josette Roset qu'elle n'avait pas cherché à dissimuler le fait qu'elle connaissait Tristan Vérel, elle n'avait pas été tout à fait honnête. Ses contacts avec Vérel devaient être bien plus fréquents qu'elle n'avait voulu l'admettre. Dutilleul voyait deux raisons à cela. Premièrement, parce que cela permettait à Josette Roset, même de façon détournée, de prendre des nouvelles de Marion, et deuxièmement, de comprendre les activités de CM Process. Certes, son fils avait dû la renseigner sur les aspects techniques de la société, mais les aspects comptables avaient dû l'être expliqués par cet expert que Vérel avait mandaté pour protéger les intérêts de Marion. En attendant, une chose était sûre, c'était certainement ce dernier point qui les avait rapprochés, voire soudés. Tous deux n'avaient aucune confiance en Jean-Jacques Mousseron. Dutilleul se dit qu'il serait intéressant d'entendre Maître Vérel, car quelque chose manquait dans le rapport de Gravard. Quels avaient été les rapports de Vérel avec Marion? Il l'avait tout de même eu en charge de nombreuses années. Or, rien n'était mentionné à ce sujet. Comment cela se passait-il au quotidien? Au fond, qui était-elle? Comment supportait-elle le fait de n'avoir aucune famille? Avait-elle posé des difficultés à l'adolescence? Là aussi, Gravard était peut-être allé un peu trop vite. Le portrait qu'il allait en dresser pouvait apporter de nouveaux éléments. Quant à Lucienne Sublet, Dutilleul voulait l'entendre car même s'il n'avait pas connu Marion très longtemps, elle avait eu le mérite de connaître son intimité. Peut-être pourrait-elle lui donner le nom de quelques amis. À première vue, Marion Chardy apparaissait comme une jeune fille sympathique, mais qui sait ce qu'il allait découvrir? Il ne fallait écarter aucune piste. Dutilleul essaya de repenser à ce que lui avait dit Malik Boucharif dans son langage fleuri. Mignonne, pas bourge, un peu garçon manqué. Il était inconcevable que Marion n'ait pas eu d'amis. Point d'importance, où avait-elle étudié? Même si elle n'avait pas été une enfant difficile, elle avait bien dû aller à l'école. Quels établissements avait-elle fréquenté? Comment cela s'était-il passé? Il devait forcément exister des dossiers. Il avait eu des professeurs, des camarades de classe. Marion n'était pas sauvage. La façon dont elle avait réglé le ticket de transport de Malik Boucharif l'attestait. Dutilleul ne l'imaginait donc pas grandir de façon solitaire et renfermée. Il fallait fouiller de ce côté-là. Autre point concernant Lucienne Sublet. Pourquoi était-elle si sûre d'avoir aperçu Malik Boucharif dans les parages alors que celui-ci était à Fleury? Aurait-elle eu connaissance d'un autre petit ami? Non, décidément, l'enquête de Gravard était par trop incomplète. Autre exemple, il ne s'était pas inquiété de savoir si des agressions similaires avaient eu lieu dans le quartier, mais ce dernier point ne le surprenait guère. Les enquêteurs avait encore du mal à croire qu'il puisse exister des serial killers en France. Du Tilleul avait longtemps partagé ce scepticisme avant d'y être confronté lui-même. Du Tilleul passa ensuite au cliché de la scène de crime, chose qu'il n'appréciait toujours pas, malgré les années. Il vit tout de suite que Gravard s'était montré précis dans son analyse, et Du Tilleul arriva rapidement aux mêmes conclusions. Marion avait bien tenté de se dégager de ses liens. Pour preuve, elle avait basculé de la chaise sur le côté. Elle s'était faite une entaille à la cuisse, mais elle était trop solidement liée pour se libérer. Elle avait tenté de ramper, mais l'effort avait dû la priver d'air, et elle n'avait pu aller très loin. Du Tilleul remarqua un détail particulièrement cruel qui renforçait la thèse de Gravard sur le tueur. Il trouva que le téléphone fixe était particulièrement haut par rapport au corps. En fait, il était placé presque en haut d'une bibliothèque, place qui semblait d'autant plus anormale que la bibliothèque comportait en bas une partie plus large, munie de portes coulissantes, sur laquelle il était plus naturel de poser l'appareil. Il serait donc judicieux de savoir si Lucienne Sublet se souvenait avec exactitude de la place habituelle de celui-ci. Si, comme le subodorait Du Tilleul, le téléphone avait volontairement été déplacé par l'assassin, il avait affaire à un être particulièrement pervers. Il faudrait également vérifier si un relevé d'empreinte avait été effectué sur l'appareil. Enfin, qu'étaient devenues les affaires de Marion? L'appartement était-il reloué? Du Tilleul avait du pain sur la planche, mais cela ne lui déplaisait pas. Habituellement, il aurait fait faire les premières vérifications par l'un de ses hommes. En fait, il avait très exactement la personne qui convenait. Jean-Baptiste Girardin avait largement fait ses preuves dans ce domaine, mais comme celui-ci était en stage, Du Tilleul devrait donc s'en charger lui-même, même si cela ne manquerait pas de faire sourire dans certains cercles. Alors, Du Tilleul, il y a déjà de l'eau dans le gaz entre vous et Castex. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous repartez au bas de l'échelle? Un homme de votre valeur, vraiment? Ah, on pouvait rire. Du Tilleul, à vrai dire, s'en moquait éperdument. Ce ne serait ni la première ni la dernière fois qu'il passerait pour original. Il partageait, à présent, le sentiment de Castex. Le meurtre de Marion Chardy était tout simplement inacceptable. Il se fit alors un serment. Il débusquerait l'assassin de cette jolie fille qui n'avait certainement pas demandé à finir de façon si cruelle. Castex avait raison sur un autre point, peu importait ce que cela coûterait. Avant de partir, Du Tilleul alla justement voir ce dernier qui devait attendre son sentiment sur l'enquête de Gravard. Il trouva son supérieur fatigué, mais plutôt heureux. Il avait allumé un havane d'une taille respectable, et visiblement, il semblait en déguster chaque bouffée. « Alors, que penses-tu de l'enquête de l'ami Gravard? Es-tu parvenu à déchiffrer ses pattes de mouche? J'avoue avoir abandonné. »« Puisque tu veux mon sentiment, il n'a pas fait du mauvais travail. Je pense que le profil de l'assassin est très certainement juste, mais il n'est pas allé au fond des choses, sans doute faute de temps. Je porte à son crédit que pour quelqu'un dont ce n'est pas le domaine de prédilection, il ne s'est pas mal débrouillé. Il a vraiment cherché, et il n'est pas parti dans tous les sens. Les pistes amorcées sont intéressantes, à moi de creuser. Je veux l'assassin, Titi. Je le désire tout comme toi, d'autant que je n'aime pas ce déchaînement de haine inutile. Le meurtrier a délibérément fait souffrir. Cela m'a frappé aussi. Par quoi comptes-tu commencer ? Je pourrais commencer par retourner sur les lieux. J'aimerais assez interroger les voisins et surtout, je voudrais rencontrer au plus vite la femme de ménage. Vas-tu la convoquer? Je ne sais pas. C'est toujours délicat dans une affaire de meurtre. Il faut montrer patte blanche pour ne pas effaroucher le témoin. Pour cela, je ne m'inquiète pas. Tu maîtrises l'exercice. Tout de même, je n'aime guère passer après Gravard, car il n'est pas connu pour user de beaucoup de finesse. S'il a malmené Lucienne Sublet, je risque de ne pas obtenir grand-chose, alors que pourtant, certains points de son témoignage m'intéressent particulièrement. » Henri Castex se montra surpris. « Ah oui, lesquels ? Tout d'abord, ce n'est sans doute pas grand-chose, mais pourquoi est-elle si sûre d'avoir aperçu Boucharif dans le secteur aux alentours du meurtre, alors même que nous savons tous les deux qu'il était à l'ombre ? En effet, Boucharif n'ayant pas joué les filles de l'air, puisque si je t'ai bien compris, cela ne fait pas partie de la panoplie du personnage. Ce point est certainement à creuser, même si je nourris quelques doutes au niveau du résultat. Je reconnais que c'est très mince, mais j'ai besoin de savoir exactement ce que Lucienne Sublet a vu. Fais gaffe, Titi. Il se peut qu'en dépit de toute raison, elle veuille à tout prix incriminer Boucharif. Que veux-tu dire par là? Elle pourrait s'être fait un film? C'est hélas tout à fait possible. Tu sais comme moi qu'il suffit qu'elle ait un préjugé justifié ou non. Il serait intéressant d'apprendre comment elle considérait Marion Chardy. Ne perds pas de vue que celle-ci était mineure. Tâche de savoir si Lucienne Sublet a des enfants, et si oui, quel est leur âge. Autre chose. Elle devait bien rendre des comptes à Maître Vérel. Regarde aussi de ce côté-là. Tu as raison. Même si la tâche risque bien de ne pas se révéler des plus simples. Bon, tu y arriveras. Si seulement j'avais Girardin sous la main. C'est exactement le type de boulot qui lui convient. Il sait attirer les confidences comme personne. Je vais avoir l'impression d'arriver avec mes gros sabots, et je n'aime pas cela. Pourtant, je trouve que tu ne t'es pas si mal débrouillé avec Josette Roset, une ex-directrice d'institution. C'était très différent. J'ai vraiment senti qu'elle avait besoin de parler de Marie. Je n'ai pas eu à pousser beaucoup. Je compte également rencontrer Maître Vérel, et s'il le faut, me rendre en Suisse, si je pouvais rencontrer des professeurs. Cela étofferait un peu le portrait de Marion. Je te donne carte blanche. Contente-toi juste de me tenir informé, une fois de temps en temps. Je sais qu'avec toi, je n'aurai pas de surprise, mais tout de même. Cela va sans dire. Au fait, il est bon ce Havane? C'est ton pneumologue qui va être content. Henri Castex choisit d'ignorer la remarque. Un peu sec. Il était temps de l'allumer et de prendre son temps pour l'apprécier à sa juste valeur. Si tu savais combien cela fait du bien. Il est possible que tu ne sois pas au courant, se moqua gentiment du tilleul, mais pendant ton absence, le périmètre est devenu non-fumeur. Figure-toi que j'ai appris ça, répondit ironiquement Castex. Décidément, on ne peut pas leur laisser longtemps la bride sur le cou sans que les conneries commencent. S'ils pensent qu'ils vont me gâcher les dernières années qu'il me reste à tirer, ils se mettent le doigt dans l'œil profond. Je finirai mon stock de Havane, Titi. Si je suis sage et que je me contente d'un par semaine, je devrais pouvoir tenir 3 ans, c'est-à-dire pratiquement jusqu'à la fin. Tu ne vas pas me faire la morale. Je ne m'y essaierai même pas. Sur le sujet, tu es indécrottable. Chacun a nos petites résistances. J'imagine que tu fréquentes toujours aussi assidûment la belle Mado et que tu n'as toujours pas envie de l'épouser. C'est si conventionnel. Les conventions ont parfois du bon. Regarde-moi avec Jeanne. Je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse aller aussi loin, surtout sans enfant. Eh bien, on a tenu, s'il n'avait pas été là. Elle l'a été, et je vais même rajouter autre chose. Elle n'a pas hésité une seconde. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas eu un cri. Elle t'a seulement pris la main, et elle ne l'a plus lâchée. Pas un reproche n'est sorti de ses lèvres, mais elle n'était pas prête à perdre son bonhomme. C'est comme s'il avait toujours su que cela pouvait arriver. Je l'ai beaucoup admiré à l'époque et je l'admire encore. Entre toi et moi, je n'ai jamais compris pourquoi elle acceptait de m'épouser. Je la revois encore, si belle, si fraîche. Se mettre à la colle avec un type comme moi, pas très beau, déjà troué de partout, avec un caractère épouvantable. Il m'est arrivé de mal lui parler. Je lui faisais mener une vie impossible. J'ai eu tout le temps ensuite de m'en repentir. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, la première chose qui m'a frappé, c'est combien ses mains étaient douces. Je ne suis pas naïf. Je sais qu'il existait des crèmes, mais tout de même, cela m'a réconforté. J'ai retrouvé un peu d'espoir. J'ai compris que je devais me battre. J'ai pu reprendre pied plus facilement. J'avais seulement peur qu'elle me quitte, qu'elle me fasse enfin payer mes conneries, pour ne pas l'avoir aimée comme j'aurais dû le faire, pour avoir fait passer mon boulot avant tout le reste. Tu sais, Titi, je me serais barré à sa place. Ne ressasse pas, Henri. Tu sais que ce n'est pas bon. Tu as compris. N'est-ce pas finalement ce qui compte? Déguste tranquillement ton barreau de chaise. De toute façon, il faut bien trouver un prétexte pour mourir. Tu ne voudrais pas être éternel. Tu sais, on s'ennuie beaucoup, surtout sur la fin. Et ce n'est vraiment pas dans ton style. Parole pleine de sagesse, Titi. Pour un peu, je serais presque tenté de m'en allumer un deuxième. Plus sérieusement, tiens-moi au courant, veux-tu? Embrasse aussi la belle Mado pour moi. Vieux cabot.